toi, rien n'a changé vraiment. Et même si tu m'aimes autant qu'avant, peut-être que j'ai tort, sans doute as-tu raison. Mais pour moi tout est remis